Ah, mes amis, quelle misère! Vous avez vu ça? Ils ont foutu Vaïd à la porte, ces mécréants du PSG. Mais qu'est-ce qu'il va devenir maintenant? Hein? Est-ce que quelqu'un au moins pensait à ça? Non, parce qu'avec un nom comme il a, le bougre, allez, Lozic, mais Burla, personne ne va l'embaucher, le Serbe. Ah, j'invente rien, c'est même Raffarin qui l'a dit. Quand t'es pas français, t'as encore moins de chances de trouver un travail. Ah, il va plus lui rester que les parcs-mètres à voler. Ah, et encore, ceux qui ont pas de carte à puce. Ah, y a bien le métro pour chanter, mais ah, sa tête est trop connue maintenant. Ah, tous les coups, il finira par se faire choper par un supporter déçu du PSG qui veut lui péter la gueule. Ah, en tout cas, il y en a qui doivent être bien soulagés. Mais les joueurs, pardi, leur maison va être déminée, leur femme aussi. Fini les chaussettes remplies de verres brisés pour l'entraînement des plus mauvais. Terminé les séances de motivation et d'endurance à poil dans une chambre froide l'été et au milieu du parc des Princes l'hiver. Ah, ça, ils vont revivre les sagouins. En plus, avec le remplaçant de Vaïd, hein, ils sont pas prêts de souffrir. Laurent Fournier, un ancien du PSG. Voyez la gueule qu'il a, hein. Il a le charisme d'un séminariste mort dans son sommeil, l'éloquence d'un Zidane sous Valium et la poigne d'un manchot. Moi, perso, j'ai peur qu'il fasse du gras au Paris Saint-Germain. Hein. Passer comme entraîneur de foot après Vaïd, c'est comme passer dans une amie après Rocco et ses frères. Ça fait rire. Ah. Non, mais en fait, je crois que je m'inquiète un peu pour rien en ce qui concerne mon Vaïd. Hein. D'ici un moment, il va rebondir, je le connais. À ce propos, je crois que mon cousin Gunther le Barbare veut lui proposer une collaboration dans son entreprise de consulting en torture et humiliation diverses. Non, mais moi, Vaïd, moi je le verrais bien relancer la répression dans les transports en commun. Ah, je le vois bien en vert RATP, avec 3 ou 4 lascars de chez lui, au regard de glace sous des sourcils épais. Je l'imagine, moi, Vaïd, la barbe aux lèvres, prêt à sauter sur le premier fraudeur qui passe en douce, du style « Et hop, hop, toi là-bas, tu as fraudé, petit fumier, tu vas avoir punition ?» Non, non, toi pas payer amende, toi venir avec moi et mes amis dans le couloir de correspondance, et nous casser jambes à toi plus que lever un œil. Moi prendre aussi papier de toi pour ton adresse, si toi recommencer, moi rendre visite et brûler famille. Eh ben, croyez-moi, avec les méthodes du Vaïd, eh ben, il y aura moins de fraude! Voilà! Tout ça pour dire qu'un homme plein d'audace et d'initiative est sur le carreau, et qu'il faut lui tendre la main. Bon, je me sauve. Allez, au revoir.